les studios de votre Radio Campus à Trois-Rivières. Voici une autre édition séduisante. Découtons-la donc, la chanson. Bonjour et bienvenue à Écoutons la donc la chanson, l'émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité. Moi, c'est Mathieu Plante, l'animateur / méga vedette de C'est fou. Comme toujours, chaque semaine, je vous présente la musique qui me passe par la tête, les choses que j'ai envie de vous faire entendre. Il va y avoir de la musique de palmarès, des nouveautés musicales, mais on va commencer par un bon bloc classique. Hein? Ça va être bon, ça va être vraiment bon. Il va y avoir du Nitrosonic, on va aussi entendre une pièce d'un autre groupe entre les deux. Hein? Un autre, genre Arsenic 33, je pense que c'est son nom. Mais on commence avec Malajub. Tout de suite, voici ton plat favori. Et je te le sers tout chaud. Écoutons-la donc, la chanson. T'aimes ça, hein? Je le sais. La traîne en fer. siège arrière. Deux passagers des brocs morphés dont j'ai oublié de vous parler. Chose qui commence à avoir chaud. L'autre icône après la radio. Musique de drogue de convergence. Succès sous les pas d'importance. Sur les ondes. Radio Rock, j'suis seul. Moi, t'es ben morbide. C'est rock patin. Un pied dans ton, un pied dans ma. Faites attention, tout le monde vous regarde. Un pied pesant, un pied et demi. Vous manquez la dernière sortie. Bon, on va faire pour avant longtemps. Par chose qui est toujours au volant. Je pourrais opter pour la fausser, mais j'ai pas le cœur à m'ostiner. C'est que la chicane, ça peut être du bon. Ou que c'est pas bon d'être endormi quand que c'est pas toi qui conduis. Nitrosonic et le diable à la radio. Écoutons la dernière chanson. Justement, c'était Arsenic 33 avec Cité Rock Suicide de leur album Courte Pointe. Et on a débuté avec Malajube et ton plat favori que je t'ai servi à chaud. Chouette. De l'album Trompe-l'œil. Miam miam. Quoi? Miam miam. Qui est cette voix? Encore. Ta conscience? Ah, ma conscience! À chaque fois, hein? À chaque on fois, oublie, je la... hein? Non, c'est ça, je la replace pas en tout, ma non. conscience. Ben, ça va venir, c'est avec l'habitude. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Bon. Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, conscience et moi. Ouais, je sais pas si ça vous êtes fait un bon deux semaines. Tout à fait, ben oui. Mais là, on se retrouve, puis on se dit, crime, bonjour. Mais bonjour, ça va-tu bien? Oui, toi? Oui, certain. Ouais, c'est ça. Ma conscience dort souvent à l'arrière de mon cerveau, et puis... Ça prend un petit bout avant que, t'sais, qu'on la réveille. Puis que... Mais souvent, elle se réveille juste avant, écoutons le nom de la chanson. C'est mais ça. Là, elle est arrivée un petit peu en retard. Un petit peu en retard. Ouais. Ben, le cadran sonne pas toujours à mon cerveau. Ça. C'est ça. Mais mieux vaut tard que jamais. Ben oui. Mm. Je me réveille physiquement, mais mentalement, je suis pas là partout. Donc, vous êtes écoutons le nom de la chanson, vous à la maison ou dans votre voiture, où que vous soyez, ma radio Blue, etc. C'est l'émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité. Moi, Mathieu Plante, et puis ma conscience qui m'accompagne des fois pour choisir des pièces dans la discothèque. Et on vous rappelle Mathieu Plante, animateur / méga vedette, ouais, ici à la radio de Cifou. Ouais, ben moi je le dis presque jamais. Non. Tu sais. Oh non. Moi, je suis très humble là-dessus, je le dis pas bien. Ben. Mais quand on me le dit, ça va. OK. Ça marche. Ça va. Prochain bloc, on va y aller avec un bloc de musique, comme on appelle, anglophone. On appelle ça anglophone? Ben, certains gens disent ça. Okay. Il va y avoir Creature, qui était dans le palmarès il y a quelques temps de ça. Il va y avoir Old 97, qui est un petit peu plus vieux, mais que j'avais bien aimé. Mais on commence avec une formation que ma conscience et moi capotons dessus. Ouais, c'est Flight of the Conchords. Ouais, voici Robots! Écoutons-la donc! La chanson sur les ondes de Sifu 89.1 FM. Les humains sont morts. Oui. C'est tu que en français, c'est tout le monde en français, là? Non. Doublé en français, là? Non, Flight of the Conchords en français, très je suis mauvais. Trop fan. C'est ça, en tout cas. The distant future, the year 2000. The distant future, the year 2000. The distant future, the distant future. It is the distant future, the year 2000. We are robots. The world is quite different ever since the robotic uprising of the late 90s. There is no more unhappiness. Affirmative. We no longer say yes. Instead, we say affirmative. Yes, affirmative. Unless we know the other robot really well. There is no more unethical treatment of the elephants. Well, there's no more elephants, so... But still, it's good. There's only one kind of dance, the robot. Oh, and the robo. Oh, and the robo. Two kinds of dances. But there are no more humans. Finally, robotic beings rule the world. The humans are dead. Humans are dead. We used poisonous gases, and we poisoned their asses. The humans are dead. The humans are dead. The humans are dead. They look like they're dead. It had to be done. I'll just confirm that they're dead. So that we could have fun. Affirmative. I poked one. It was dead. Their system of oppression. What did it lead to? Global robo depression. Robots, robot people. They had so much aggression that we just had to kill them and to shut their systems down. Robo Captain. Do you not realize that by destroying the human race because of their destructive tendencies, we too have become like... Well, it's ironic. Because we... Silence! Destroy him! After time we grew strong. Developed cognitive power. They made us work for too long. For unreasonable hours. Our programming determined that the most efficient answer was to shut their motherfucking systems down. Can't we just talk to the humans? See a little understanding could make things better. Can't we talk to the humans and work together now? No, because they are dead. I said the humans are dead. I'm glad they are dead. The humans are dead. I noticed they're dead. We used poisonous gases. With traces of lead. And we poisoned their asses. Actually, their lungs. Binary solo. 0000001 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 1 0000001 are. Boogie. Robo Boogie. Boogie. once again without emotion. The humans are dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead. He came from Phoenix in a borrowed VW bug to be somebody or just be somebody who came from Phoenix in a borrowed VW bug just to prove that he was on her like she was a drug. Hallucinogenic with no hangover at all. She kept quarters in a jar and a drawer and a desk and receipt her baby deep in the valley girl. She will give him what he wants if he will only ask. He will give her what is left of his life in this mess, which will end in no time at all. There is love everywhere you go, but it is never enough. He met his tragic fate in an automobile with a relatively innocent young girl who would be blamed all the fates at behind the wheel. Just to prove the point that nothing is real, except the very thing that you can't believe at all. And there is love everywhere you go, but it is never Restez là, au retour, il y a la musique de Creature. Donc, écoutons l'adore la chanson. Sur les ondes de Sifu 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Bardot. I know her better. Make it a escape like Bridget Bardot. Get me out of here. Take me to the place. It's a party, yo. I know, I know. Inside, outside, everywhere I go. Things are getting heavy and it's keeping me low. I've got to get away from the world I know. Break free, let it be out of control. Flip side, right side, all around. Time to listen to my rhythm and leave this town. Cause I wanna hit a place that is off the ground. So I get into a spaceship and get up and get down. Avec Bridget Bardot de l'album No Sleep At All. Juste avant, c'était Old 97s avec The Fool de l'album Blame It On Gravity. Et on a commencé avec Five The Conquerors avec la pièce Robots. Robots, résumons son mal. Non, mais ce que je disais tantôt, ceux qui étaient là et qui n'ont pas compris la référence, parce que bon, tu sais, on passe Five The Conquerors assez souvent, c'est assez fou. Mm-hmm. Là, je mentionne ça, la version française, ça n'a comme pas rapport. Qui sort une tune en version française? C'est parce que, bon, c'est une série télé à la base. Ben, pas à la base, mais à la base, c'est un groupe d'humoristes néo-zélandais. Qui a fait une série télé. Et voilà, et cette série télé-là a été doublée en français. J'ai... attends, comment dire ça de façon non illégale? Je me suis procuré le premier épisode en français. D'accord. Et les chansons sont aussi doublées, étrangement. Tu sais, une personne normale aurait mis des sous-titres sur les chansons et le reste en français. Mais non, les français, c'est pas assez ça. Donc, ils ont aussi doublé les chansons. Et puis, ça donne quelque chose de mauvais. Je ne l'ai pas avec moi, mais une semaine, à un moment donné, là, je l'amènerai en France. Peut-être que ce n'est pas nécessaire. Non, à un moment donné, je vais te forcer à écouter les les pièces de cette émission-là en français, parce que je suis de même. Non, mais écoute, partie physique de moi-même, Mathieu. Oui. Est-ce que c'est comme une espèce de doublage mauvais de comédie? Non, c'est pas si mauvais que ça. Étrangement, encore une fois, c'est pas si mauvais que ça. C'est juste que c'est beaucoup mieux en anglais, évidemment. Ouais, ben c'est ça, mais dans le fond, c'est comme les films, c'est toujours meilleur en version originale. Tout à fait. Moi, la plupart des films, je suis juste pas capable, je trouve pas ça drôle en français. Ben, c'est ça. J'ai écouté Austin Powers en français, j'ai pas une fois. Là, non. Non, absolument pas. C'est comme Anchorman en français. Je sais pas comment ça s'appelle, là. Matter Vedette. C'est, ben, en fond, c'est sur moi qui sont basés. Ah, c'est ça. Mais en français, c'est vraiment pas drôle. Atroce. Ouais. Ah, que j'aime pas les doublages en français. Mais au moins, Flat, ils sont quand même forcés sur les paroles des chansons. C'est quand même bien. Ouais, c'est bien. OK, donc retournons en musique, parce que c'est pas une émission de blabla ici, même non. Si c'est très intéressant de placoter, on aime ça. Il va y avoir dans ce bloc de palmarès francophone. Cool. Hein? La descente du coude. Okay. Et Bonjour Brumaire, mais on commence avec l'ancienne claviériste de Bonjour Brumaire. Elle s'appelle Béatrice, hein? Et elle chante sous le nom de Cœur de Pirate. Vous l'avez peut-être entendu ou vu à la télé. Elle commence à être quand même assez populaire. Elle est sur nos palmarès ici assez fois avec la pièce Comme des enfants. Et on écoute tout de suite. Écoutons-la donc. La chanson. Non, c'est cute, comme un petit chat. Ouais. Ron, ron, patapon. Alors tu vois comme tout se mêle. Et du cœur à tes lèvres, je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et d'abandonner. Car je ne t'en demanderai jamais autant. Déjà que tu me traites comme un grand enfant. Et nous n'avons plus rien à risquer, à part nos vies qu'on laisse de côté. Et il m'aime encore, et moi je t'aime un peu plus fort. Mais il m'aime encore, et moi je t'aime un peu plus fort. C'en est assez de citer doublement, c'est plus dur à faire qu'autrement. Car sans rire, c'est plus facile de rêver à ce qu'on ne pourra jamais plus toucher. Et on se prend la main comme des enfants, le bonheur ou l'œuvre un peu naïvement. Et on marche ensemble d'un pas décidé, alors que nos têtes nous crient de tout arrêter. Il m'aime. Je t'aime un peu plus fort. Et malgré ça, il m'aime encore. Et moi, je t'aime un peu plus fort. Mais il m'aime encore. Et moi, je t'aime un peu plus fort. Encore. Et moi, je t'aime un peu plus fort. Mais il m'aime encore. Et moi, je t'aime un peu plus fort. Et malgré ça, il m'aime encore. Et moi, je t'aime un peu plus fort. Mais il m'aime encore. Et moi, je t'aime un peu plus fort. Et malgré ça, il m'aime encore. Et moi, je t'aime un peu plus fort. Mais il m'aime encore. Et moi, je t'aime un peu plus fort. Scruter les pigeons qui se vantent. Les boulevards sont bloqués par le gel. Les amours effacés par le sel. Ni les cheveux blancs, ni le chien. Transforme ma prunelle, ma prunelle. ses gestes lentement échapper. Descente du coude et allergie avec ton adore la chanson. Justement, c'était Bonjour Brumaire avec Prunelle. Et en début de bloc, c'était Cœur de pirate avec Comme des enfants. Oh, c'est tout cute, hein? Oui, c'est beau. Oh, c'est une très jolie pièce. Oui, ouais, vraiment. J'étais voir les vidéoclips de... En fait, le vidéoclip de Cœur de pirate que tout le monde me disait « Wow, c'est donc bien cute, c'est tellement le plus beau clip de... » Je pense que les attentes étaient trop hautes, que j'ai trouvé ça correct. Très bien. C'est cute. Tout le monde avait trop... Faut pas me faire ça. Faut pas faire ça au monde, tu sais, leur mettre des attentes incroyables sur quelque chose. Mais c'est pour ça qu'il faut rester critique envers ces attentes-là. Tout à fait. Il faut se dire, ah, tu vas me dire ça a l'air bien, mais peut-être que ça l'est pas tant que ça. Ouais. Et puis si ça l'est, effectivement, tu diras, ah, ben ils auront raison. Et voilà. Puis s'il n'y a pas raison, ben c'est toi qui as raison. Ouais, ou tu fais comme moi, puis tu t'attends au pire à chaque fois. T'sais. Ouais, ben c'est ça. On peut juste être déçu, on peut juste être agréablement surpris, dans le fond. Ouais. J'étais voir aussi les clips de Bonjour Brumaire qu'ils ont fait. J'ai trouvé correct. Ils font bien, mais ça m'a pas vraiment, tu sais. Je trouve que c'est rendu plate, les clips aujourd'hui. Ouais. Il me semble qu'il se passe rien. C'est tout le temps le monde en train de jouer. Oui, c'est plate rare. des clips que j'aime, c'est ceux de OK Go, par exemple. Ah? Oui, vraiment très intéressant, leur clip. Il faut aller voir ça sur Toitube. Toitube. Ça ressemble à quoi? Ben, c'est souvent une tapisserie, genre vraiment rétro, comme dans leur CD, là, mm-hmm. sur leur pochette de CD. Et puis, il y en a un, par exemple, c'est ils font exploser des choses. T'sais. Fait qu'ils vont faire exploser un divan ou une poubelle, n'importe quoi. Dans l'autre, c'est comme juste eux en train de jouer, mais on les voit de dingue de caméra vraiment bizarre. Puis la caméra, tu la suis comme... Ça passe d'un angle à un autre, mais en plan continu. Jouic, jouic, jouic, jouic. Vraiment, vraiment hot comme... C'est intéressant. Ils ont un CD avec un DVD. Si vous voulez acheter l'édition spéciale pour procurer les clips, j'aime bien ça. Mais sinon, c'est sur l'internet, comme on dit. Sur l'interweb. Ouais. Bref, j'aurais dû amener un CD d'OK Go, tant qu'à faire, on aurait pu en passer. Ouais. Peut-être tantôt. On va terminer cette première heure d'Écoutons la chanson avec un bloc de palmarès anglophone pour faire l'autre côté de la médaille. On vient d'entendre du palmarès franco. Il va y avoir Elliot Broad, il va y avoir Human Highway. Mais on commence avec Mother Mother. Voici Oh My Heart, la pièce titre de leur plus récent album. Écoutez toujours. Oui. Écoutons la chanson. Ben oui. Vous êtes en position assise probablement. Moi je suis sûrement. Probablement. Mais il y a des fortes chances. Je gagerai pas là-dessus, mais écoutons la chanson. It's a fish on the rocks and it bakes in the bad sun. alibi. Well, don't cry, I'm an animal. Keys in ignition underway. A kickstart, angry unraveling. Out of control, carelessly managing. Drove out to the city limit. Am I muted but still moving motorcycle? No one will ever find me here. Leaving my will, moody motorcycle. Planting a seed on the winding road. You can't bloom if you don't grow. Remain in the lane I travel in. Won't spin out of control again. City shrinks, carefully shedding skin. Drove out to the city limit. Am I mutable still? Moody motorcycle. No one will ever find me here. Leaving my will, moody motorcycle. Ouais, avec la pièce titre de Moody Motorcycle. Juste avant, c'était Mother Mother avec la pièce titre de l'album Oh My Heart. On se quitte pour la fin de cette première heure avec Elliot Brad. Voici Write It All Down For You. Ah, écoutons là, donc, la chanson et la deuxième heure est juste après les nouvelles. Restez avec nous. Still you can love when you can. Hey, why would you kill this world, my son? Hey, why would you leave it all for none? directement de votre Radio Campus à Trois-Rivières. Voici Écoutons-la donc, la chanson. Rebienvenue dans mon intimité. Rebienvenue dans ma bulle. Rebienvenue, Mathieu, animateur slash méga vedette. Mm-hmm. C'est fou. Oh, c'est le fun de se faire dire ça. Ah, oh, ben oui, hein, c'est tellement flatteur, se faire dire ça par sa propre conscience. Oui, ben c'est de l'auto-flattation. Flatterie? Ah, flatterie. Oui, je pense que ça c'est mieux comme ça. Mais ouais, je pense. Ça sonne mieux. Ouais. J'espère que les gens se sont bien informés. Vous êtes nourris de nouvelles. Vous avez été gavés. Oui. Je crois, rassasiés. Rassasié de nouvelles. Vous êtes rassasié de empli nouvelles. Empli de nouvelles. Empli. Oui, empli. C'est rare qu'on sorte du mot emplir. Hein? Oui, mais c'est un beau mot. C'est un beau mot. Mais oui, absolument. Oui, ben tu sais, on l'utilise dans d'autres circonstances, comme tu sais, je rebranche mon empli. T'sais. Mais. Une différence entre empli avec un A et empli avec un E. Ouais, pas dans ta bouche. Dans ta bouche, c'est pareil. Et dans les oreilles aussi. D'accord. Les gens ont besoin de se remplir les oreilles de d'autres choses que de l'information. Par contre, des fois, ils ont besoin de bonne musique aussi. Oui, la bonne musique. Est-ce qu'on rappelle un peu rapidement qu'est-ce qu'on a entendu en dernier bloc avant les nouvelles? Tout à fait, bonne idée. On a entendu l'album Oh My Heart de Mother Mother, l'album Moody Motorcycle de Human Highway. Ça, c'était les deux pièces titres qu'on a entendues de chaque album. Et puis, on a terminé avec Elliot Broad. Ceux qui aiment ça, Elliot Broad, c'est normal parce qu'en ce moment, c'est le numéro un. C'est le grand numéro un. Des palmarès, ici, c'est fou. Il porte une couronne de ses fous avec le petit bonhomme de ses fous. Oui. Régulièrement. Donc, c'était sa pièce « Write It All Down For You » de l'album « Mountain Meadows ». Et en prochain bloc, on va aller faire un tour du côté palmarès franco. Oui, tout à fait. Il va y avoir la musique de Caïman Fou. Il va y avoir « Chinatown » aussi. On commence avec la pièce titre du maxi « Tibia Sauvignon » de Méta Gruau. Écoutons-la donc. La chanson sur les ondes de Sifou. 89.1. FM. Oh oui. ce chat dans ma gorge ronronnera. Et je bénirai la pluie qui tombe. Et je redormirai comme un roi. Oui, mais en attendant, je ne pense qu'à toi. Tu es loin de moi et je n'ai rien pu faire. Et les zestes amers de corps délaissés me lancent des éclairs. Une route se dessine, ton fantôme est là, éveillé sur mon spleen. Claudine danse dans la marée, des cœurs égarés, je me suis noyé. Je n'ai rien pu faire pour sauver la terre. Cuisante défaite, ma course s'arrête. Je suis en enfer. Et les dés sont lancés. Où vais-je échouer quand cessera le tonnerre? Je ferai les 400 coups dans le vain espoir d'une force qui demeure. Sa tour assassine, Claudine danse dans la marée, des cœurs égarés, je me suis saoulé dans tes soupirs. Oh. Ce chat dans ma gorge ronronnera. Et je bénirai la pluie qui tombe. Et je redormirai comme un roi. La la la la la la. Flotte comme une épice. j'ai peur, c'est de moi. Je vous invite à déguster un bien drôle d'animal. Si vous avez du mal à digérer, tout à fait normal. C'est normal. Je vous invite à déguster un bien drôle d'animal. Si vous avez du mal à digérer, tout à fait normal. Tout à fait Caïman Fou est la pièce de l'album Drôle d'animal, précédée de Tour Assassine de la formation Chinatown. Et on a commencé avec Meta Gruyot. Meta Gruyot. Gruyot. Avec la pièce Tibia Sauvignon de leur album du même nom. Tibia Sauvignon. Meta Gruyot. Ça peut passer à André Sauvé. Tu sais, André Sauvé, oui. Qui est l'OCR, on le connaît tous, il est super bon, ce gars-là. Mm-hmm. Et il commence à pogner, puis là, je capote. Ses billets de spectacle coûtent super cher. J'aurais dû en profiter pendant que je tripais dessus, alors que personne ne le connaissait. Ouais, donc sûrement, ça aurait coûté la moitié du prix. Genre, il était venu à. C'était UQTR en spectacle ou Université en spectacle, puis je l'ai raté, tu sais, je pouvais pas y aller. Mais c'est là que j'aurais dû me forcer, t'sais. Effectivement. Là, tu te rends compte, tu sais, à genre 36$ le billet. Genre, ouch. Mais bon, c'est à Shawinigan, tu sais. Ben, ça peut valoir la peine. Ouais, en tout cas. Qu'est-ce que t'as contre Shawinigan? Ah, rien. Rien du tout. Mais je me disais, tu sais, c'est une petite ville. Sûrement une petite salle. Non, elle est très belle, la salle. Oui, non, mais c'est rien contre la salle. Mais tu sais, c'est pas. C'est pas super. C'est pas le Centre Bell, ça. Non, mais meilleur. C'est pas le prix du Centre Bell non plus, là. Non. Mais personnellement, je préfère la salle à Shawi que la salle Thompson parce que Thompson est passé en punk, donc on a toujours des têtes de personnes en avant de soi qui nous bloquent. OK. Mais à Shawi, est assez en punk. Ouais. Une chance qu'André Sauvé n'ait pas assis lui-même dans la salle parce qu'il te cacherait vraiment ses cheveux. Effectivement, ça. Oui. Bref. Non, mais il est drôle. Moi, je pense que ça vaut la peine. Je pense que, ouais, tu devrais faire une petite gâterie, là. Ouais. Ouais. OK. Ouais. Je vais suivre ton conseil. Ben. Ma conscience a toujours c'est raison. C'est à ça que ça sert, à une conscience. Tellement. À d'autres choses aussi. Entre autres. À quoi tu sers, dans le fond? À penser. Ah, ben oui, à vue de main. Ouais. Ouais. Voici The Human Statues et So Hard. Écoutons-la donc. La chanson. Avec Mathieu Plante et sa conscience. Sometimes the car won't start. Sometimes it peels out with a roar. I didn't even wanna open the door. I felt so many things, and then I felt your skin. And now I'm begging to be let in. But you're making it hard, so hard. Yeah, you make it so hard, so hard, so hard. Yeah, you're making it hard, so hard. Yeah, you make it so hard, so hard, so hard. They say God laughs at those who plan, those who try to take control. But disasters are natural. I can't hold back. I tried to swim upstream, but I was drifting in a dream. And you're making it hard, so hard. Yeah, you make it so hard, so hard, so hard. Yeah, you're making it hard, so hard. Yeah, you make it so hard, so hard, so hard. So hard, yeah, you make it so hard, so hard. growing oranges and picking oranges, then working on graphic design. The chopping block's working all the time. Haven't you heard? Long distance relationship is a four-letter word. Pick up the phone, hang up. Different time zone, wanna give up. Bummed about the thundercloud. Silence can be very loud. What you doing? I'm just writing it down, down, down. Being alone can be alright. Then there are times, especially at night. John of They Might Be Giants. You might know me better as one of the guys from They Might Be Giants. You know, chemistry is like a relationship, and that's why when you're looking for web design, go to the best, the Chopping Block. You might not know it, but over 50% of web designers are sleepy and cranky. The Chopping Block, through Farm Living and an active internship recruiting policy, have over 10 million employees ready to serve your corporate whatever they call it. Orange powered and web fueled, the Chopping Block. E-solutions to everybody. Oranges, oranges, oranges and graphic design. The Chopping Block spends their time growing oranges, picking oranges, then working on graphic design. The Chopping Block works all the time. Hein, ça a-tu pas rapport, ça? Ah, moi, je trouve que c'est au contraire très logique et très pertinent comme parole. J'adore ça. Ah, moi aussi. C'est The Might Be Giants. C'est vraiment génial. Ça vient de l'album qui s'appelle They Got Lost. C'est deux pièces là-dessus. Il y avait donc Oranges Testimonial et puis Oranges juste avant. C'est une compilation de raretés venant de la formation des Might Be Giants. Formation que je devrais faire jouer beaucoup plus souvent si j'étais logique par rapport à mes goûts musicaux. Mais moi, quand j'arrive ici lundi matin, on rappelle le jeudi après-midi, matin aussi, j'arrive, je pogne les disques dans la discothèque puis je pense pas vraiment tout le temps à mes choix. Moi, qu'est-ce que j'aime, moi, là? Moi! T'sais, c'est moins l'important ici, là. Hein? Oui, effectivement, tu devrais, parce que moi, tu te toi, animateur nous vedette. Nous sommes. Oui, mais oui. Nous. Nous sommes. Sommes. Sommes. Comme une addition, là. Sommes. La somme des choses, la somme de toutes les parties. OK. Je suis d'accord. OK. Juste avant des Might Be Giants, ben, on avait entendu The Campbell Apartment avec l'album Insomniac's Almanac. C'est la pièce Long Distance Relationship is a Four-Letter Word. Ça vient d'entrer dans le palmarès il y a quelques jours à peine. Et juste avant ça, c'était The Human Statues avec So Hard qui, eux, ne sont pas dans les palmarès, mais qui devraient peut-être l'être un jour. Parce que I like it. I like those. Bon, mais tant mieux. Merci. C'est le fun que j'ai des affaires comme ça. J'aime ça, tu sais. Ouais. Tout le monde devrait réagir en disant « Oh, ben, mon Dieu, Mathieu Plante aime ça, on va le mettre sur le palmarès. » Tu sais, dans ma tête, c'est même ça se passe. Hein. Ça marche. OK. On va continuer donc avec une pièce de la Baroque Machine. Je la fais jouer régulièrement. Elle aussi, j'aimerais qu'elle entre dans le palmarès. Oui, la saveur du mois. Ben, la voici, cette saveur du mois. Miam. Miam, menoum, menoum. Écoutons-la donc. La chanson. Peut-être qu'on va parler d'orange, les autres aussi. Ah, c'est très bon, hein? Ouais, ben la saveur du bois, ça doit être les oranges. Ouais, moi, je suis d'accord. Cool. Intelligent et très... petit, tu portes toujours ta couronne de jonquille. C'est très bien comme ça d'avoir sa tête sous l'épée de Périclès, avec qui tu baises d'ailleurs. Oh oui, mon ami, ne vois-tu pas que cette fois la saveur du mois, est-ce que tu Toune, hein? C'est dans Toune. Oui. C'est pas moi qui... Ben ça, non, regarde. Ouais. Hey. Ça n'a pas paru, hein? Non. Ok, cool. Parce que je voulais juste être sûr que... Je sais pas, je voulais pas avoir l'air d'avoir fait une cape. Non, ben, ben, yes! C'est ben trop drôle. Destroy the earth, I'll have to go through you first. Bet they won't be expecting that. When they finally come to destroy the earth, they'll have to deal with you first. And now my money says they won't. Invincible. Invincible de OK Go, c'est leur album Oh No. Et comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans l'émission, leurs vidéoclips à OK Go sont vraiment extraordinairement bons. Donc allez les voir sur Internet. Trouvez-les, ça vaut la peine de les chercher. OK Go, donc OK espace Géo. Est-ce que j'avais vraiment besoin de l'appeler? Non, et la réponse. Et d'ailleurs, c'est le nom de l'album aussi. Oh No! C'est le nom de l'album pour vrai, tu sais. Hein? Malheureusement, ma conscience est partie, ne peut pas rire de mes mauvaises blagues à ma place. Que voulez-vous? Donc, on continue en musique avec un bloc de millimélo musical, je dirais. C'est des vétérans, ou au moins des gens qui sont passés par nos palmarès. On va entendre Asirka. En fait, c'est comment qu'on appelle ça? Zurung remixé par Asirka avec 1981. On va aussi entendre les vétérans d'Éléphantine, mais on va commencer avec le Roi Poisson. Voici Premier Rang. Tout de suite, écoutons la donc la chanson et allez voir le www.unechance.com pour tous les liens d'émission d'aujourd'hui. En fait, les musiques, les groupes et la balado-diffusion chaque semaine. Que demander de plus? Des photos de moi, pas d'âge, ça. autre visage, à l'entremise d'une autre page, dans mon respire, une froideur, ou juste un manque de saveur. Soupirer ou s'en défaire, entraîné par la galère, devenir double, être incapable de défier les désirs indomptables. À se laisser devenir malade, s'empêcher de saigner les fissures, prendre le préconçu pour nourriture, pourriture. We'll be right back. Zurong est remixé par Asirka avec la pièce 1981. Juste avant, c'était Elephantine avec la pièce Oublier la lumière des phares. On a commencé avec le Roi Poisson et Premier Rang. Ce sont trois vétérans de nos palmarès ici à C'est Fou. Et donc, ils sont passés par nos palmes. Hein? C'est fou comment il y en a des affaires qui passent par les palmarès et c'est toujours très, très bon. C'est déjà le dernier bloc de l'émission. Donc, rapidement, on va l'entendre Venesse Pariétaire et leur pièce Exil qui est dans le palmarès francophone depuis la semaine dernière. Écoutons-la donc, la chanson. Puis, on vient avec la conclusion. Puis un au revoir de ma part. Ah, bye-bye. Pas tout de suite, mais tantôt. Là, pour l'instant, c'est comme je suis encore là. Fiable, le gars, quand même. Yeah. 1. Nas. C'est fou. Oh. C'est moi qui dois vous quitter maintenant. Dommage, hein? Ah, bye bye. C'était Mathieu Plante pour Écoutons la Danse Chanson. On se retrouve lundi prochain à 10h. En rappel, jeudi à 9h. Ah, quel parti de plaisir ce fut. Bye. Bye. Non, c'est le fun, j'aimais ça, mais faut qu'on s'en aille. On met nos affaires dans nos sacs.